Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette question a été posée à l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayh, an hukm an-naqra ala al-khashab khawfan min al-ayn. Naam, fa ba'd an-nas, quand ils ont peur du ayn, ils touchent du bois. On peut lire la question: عند ذكر نعمة أنعم الله بها على أخ أو صديق يقوم البعض بالنقر على الخشب. بعضهم ils entendent une ni'ma, أن فلان il a telle chose et telle chose, il touche du bois. Et pour se préserver du mauvais œil et pour pas que هذا الإنسان il perd cette ni'ma, ce bienfait. وبعضهم قد يطلب من الأخ النقر على الخشب. Et certains, quand tu cites ces choses, il te demande de toucher du bois, touche du bois pour pas porter le mauvais œil à celui qui a ce bienfait. Enfin, ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz, فما حكم الشرع في هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله. فقال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه: هذا العمل منكر واعتقاد فاسد لا يجوز فعله. هذا c'est très très grave. La croyance du muslim أن celui qui préserve c'est Allah سبحانه وتعالى. Et كذلك المسلم il doit faire des causes pour être préservé. Enfin, celui qui a peur du mauvais œil, il doit faire des causes. Il doit faire des causes. Maintenant, si tu as vu une chose qui te plaît, tu dis Masha Allah, ou tu dis Tabarak Allah, ou tu dis Allahumma barak. Et كذلك الانسان يحافظ على النعم avec الذكر, en faisant beaucoup de ذكر, خاصتا les invocations du matin et du soir. كذلك en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك en plaçant sa confiance en Allah azza wa jal. On vient à une époque ils ne veulent pas être touchés par une épreuve. Et non, on n'espère pas les épreuves et on ne demande pas d'être éprouvé. Mais le fait que tu seras touché par des épreuves dans tes biens, sur ton corps, tes enfants, etc., c'est normal. On vit fait dunya. Ce bas monde, il est fait d'épreuves. Mais on doit faire les causes pour les repousser en se basant sur notre religion, le Coran ou le Sunna. هذا كما قال الشيخ عبد العزيز اعتقاد فاسد. Est-ce que c'est une cause? Quel est le lien? Si on réfléchit un peu, quel est le lien entre le fait de toucher du bois et que telle chose elle ne te touche pas, ou que ce bienfait que tu as il soit préservé? Il n'y a aucun lien. C'est pour ça que هذا c'est من باب الشرك. Et si l'insan il pense que c'est un sebab et il sait que c'est Allah qui préserve, il a akhiré, ça reste du shirk asghar. Lakin c'est très très grave. Et shirk al-asghar, ça fait partie des grands péchés. L'insan yihdar. Qala Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, wa innama al-mashru' inda husul an-ni'ma aw salama min diddiha shukrullah subhanahu wa ta'ala. Aïe, quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné un bienfait, ou tu veux être préservé d'un mal, comment tu fais? Tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thana alayhi. Matalan, une ni'ma, tu dis alhamdulillah. Si tu parles d'une ni'ma de ton frère, il y a le mauvais œil, ça existe. Al-aynu haq. Tu dis Allahumma barik. Tu dis tabarak Allah. Tu dis ma sha Allah. Wa hakada. Qala. Wa thana alayhi. Wa su'aluhu subhanahu tamam al-minna wal-awn ala shukriha. Kama qala Allahu azza wa jal fi kitabihi al-azim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ce verset, il est clair, en celui qui est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rajoutera. Enfin, sois reconnaissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette chose, et il est capable de te donner une chose de meilleure. Lakin, tu dois être reconnaissant, akhil karim. وَقَالَ سُبْحَانَهُ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Donc on doit faire attention à kufr ni'ma, oublier que celui qui nous a donné c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de toucher du bois pour que ce bienfait soit préservé, c'est pas min shukr ni'ma. Qui c'est qui t'a donné ce bien? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pourquoi tu ne demandes pas à Allah qui te préserve? Amma toucher du bois, al-haqiqa, c'est pas min harakati al-uqala. Celui qui raisonne, même si quelqu'un ne connaît pas les textes, al-haqiqa, en raisonnant, tu fais le lien directement. Le bois, qu'est-ce qui va me donner? Qu'est-ce qui va me préserver? Est-ce que le bois il peut repousser du mal? Ça fait partie des khurafat et des choses qui sont basées sur aucune preuve. On doit apprendre notre aqidah, on doit faire des efforts pour apprendre à tawhid et s'écarter de toutes ces choses. Toucher telle chose, ou les rêves, ou manger telle chose pour te préserver telle chose. Écarte-toi de tout cela, sauf si tu as un dalil clair. dans le Coran et de la Sunna. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et fais les causes. Et si tu es touché par une épreuve, un mal te touche ou tu perds un bien, enfin, des gens meilleurs que nous, ils ont été touchés par ce genre d'épreuve. Enfin, on patiente et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. On donne la référence, Majmou' Fatawa wa Maqalat al-Imam ibn Baz, rahmatullah alayh, le volume numéro 8, la page 424. Walhamdulillahi rabbil alameen.